Merci Maëlys, à la semaine prochaine. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, c'est le point d'orgue de notre semaine consacrée au poète portugais Fernando Pessoa dans la compagnie des auteurs, une émission que nous devons à Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurent Travagli-Chanal et Élise Leu. Pessoa est né en 1888 à Lisbonne et sa biographie se résume à peu d'événements. D'abord la mort du père alors qu'il était encore enfant, puis le départ avec sa mère et son nouveau mari pour l'Afrique du Sud où ce dernier est nommé consul. Puis c'est une vie de petit employé, traducteur dans une entreprise commerciale, avec parallèlement la fondation notamment de la revue portugaise d'avant-garde Orfeu et un quotidien bien entendu consacré à l'écriture. Tout cela, nous l'avons vu lundi avec Patrick Quillet lors de notre émission introductive. Et puis mardi, c'est l'universitaire Pascal de Thurins qui nous a proposé une introduction à l'œuvre de Pessoa. Et enfin hier, nous nous sommes arrêtés sur le rapport de ce grand poète essentiellement sédentaire avec son pays, le Portugal. C'était avec la chercheuse Judith Balso. Avant d'aborder la question de son rapport primordial avec la ville de Lisbonne, cette fois avec la traductrice Maria José de Lancastre. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, nous sommes avec Teresa Rita Lopez, grande spécialiste de l'œuvre de Pessoa, auteur d'une thèse intitulée « Fernando Pessoa et le drame symboliste » qui a été publiée à la Fondation Gulbenkian en 1977 et rééditée en 1985, année où elle avait aussi conçu une exposition au Centre Pompidou pour le cinquantenaire de la mort de Pessoa. Alors elle a édité beaucoup de ses textes et en janvier dernier, elle a même proposé aux éditions Christian Bourgois une nouvelle édition du livre de l'intranquillité qu'elle a renommé « Livre de l'inquiétude » dans une nouvelle traduction de Marie-Hélène Pionic. Et c'est de ce livre dont il va être largement question aujourd'hui. Livre dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait lu par Gérard de Sarthe. Que deviendrais-je si je n'écrivais pas le peu que je réussis à écrire? Même si, ce faisant, je demeure très inférieur à moi-même. Je suis un plébéien de l'idéal, puisque je tente de réaliser. Je n'ose pas le silence, tel un homme qui aurait peur d'une pièce obscure. Je suis comme ceux qui apprécient davantage la médaille que l'effort, et qui savourent la gloire dans le manteau fourré. Pour moi, écrire, c'est m'abaisser. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Écrire, c'est comme la drogue qui me répugne et que je prends quand même. Le vice que je méprise et dans lequel je vis. Il est des poisons nécessaires. Et il en est de fort subtils, composés des ingrédients de l'âme. Herbes cueillies dans les recoins des ruines de nos rêves, papillons noirs trouvés au flanc des tombeaux, longues feuilles d'arbres obscènes qui agitent leurs branches sur les rives sonores des eaux infernales de l'âme. Et la tristesse toujours à l'œuvre chez Pessoa. Bonjour Teresa Rita Lopez. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez, vous, quand vous réécoutez cet extrait que vous avez dû lire des tas et des tas de fois? Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a rectifié quelque chose que vous avez dit. Oui, dites-moi. C'est que c'est pas moi qui ai proposé cette nouvelle traduction aux éditions Bourgois. Mmh. Cette traduction a été faite, demandée par La Différence, les éditions de La Différence. Elle a été confiée à Marie-Hélène Pivnik Et nous avons toutes les deux eu la tristesse, quelques vers janvier, je crois, de savoir que les éditions de La Différence avaient fait faillite. Mmh. Donc, c'est Madame Dominique Bourquoi qui a demandé à Madame Marie-Hélène Pivnik de lui confier sa traduction. Et voilà, ça a été tout de même une occasion pour vous de retravailler une fois encore ce texte. Et peut-être êtes-vous retombé sur cette phrase « Écrire, c'est m'abaisser », qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça signifie pour Pessoa, cette phrase « Écrire, c'est m'abaisser » ? Bon, faut vous dire qu'au fond, il n'y croyait pas, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne pouvait vivre sans écrire. Mais il s'est projeté sur les trois personnages qui se manifestent à travers ce livre, qui est en quelque sorte un journal intime qu'il a écrit toute sa vie, au cours de toute sa vie, et c'est le dernier. Et cette phrase, au fond, c'est quelque chose, c'est une mauvaise conscience qu'il a de ne pas pouvoir se réprimer. Il écrit parce qu'il ne peut pas ne pas écrire. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est si mal ? Pourquoi est-ce un poison nécessaire ? Voilà, c'est pourquoi il parle de drogue. Il a mauvaise conscience de prendre cette drogue, mais il ne peut pas vivre sans. Je ne sais pas pourquoi il a mauvaise conscience. En tout cas, pour nous, c'est plutôt bien qu'il ait utilisé ce poison. Pas que pour nous d'ailleurs, parce que le livre de l'inquiétude, c'est l'ouvrage le plus lu et le plus traduit de Pessoa. Preuve qu'ils sont nombreux, ceux qui apprécient ce poison que Pessoa s'adonnait. Sûrement, mais vous voyez, dans la mesure, faut pas oublier que ce sont les auteurs du livre de l'inquiétude, ce livre triple, ce triptyque, ce sont des personnages. C'est pas Pessoa qui parle directement, mais il l'interprète, pour ainsi dire. Il a fait son journal intime par l'intermédiaire de ces trois auteurs tout au long de sa vie, et ils avouent tous les trois leur incompétence pour la vie. Donc, ne faire qu'écrire était pour lui, pour masquer et pour combler cette incompétence. Donc, alors, les trois personnages, ce sont Vincent Guède, je le prononce à la française, le baron de Thèves et Bernardo Soares. Ce sont donc trois hétéronymes principaux. Semi. Il a dit que c'était des semi-hétéronymes, pas des hétéronymes. Pourquoi semi alors ? Bon. Alors, faut que je raconte une histoire. Racontez. Il était une fois un homme qui avait trois ombres. Il avait même bien plus que trois ombres. J'ai compté jusqu'à 72. Mais il n'y a que trois qui se sont vraiment détachés des pieds de l'homme qui les projette. C'est-à-dire les trois hétéronymes. Il s'est tué à dire qu'il n'y avait que trois hétéronymes, les poètes. Il a dit, en prose, il est plus difficile de se, il a employé un néologisme en portugais, outra, c'est-à-dire devenir autre. En prose, il est plus difficile de devenir autre. Ce ne sont que des poètes, les trois poètes, qui sont des vrais hétéronymes. Ceux qui se sont envolés autres, comme il dit. Voir autre, c'est-à-dire ils se détachent des pieds de l'homme qui les a produits, de Pessoa, ils ont leur biographie et leur style propre et des sentiments propres, tout ça. Les semi-hétéronymes, ils se détachent pas des pieds de l'homme qui les a produits, mais ils sont quand même leur projection sur un miroir. C'est Pessoa sur un miroir triplique. Ce sont trois personnages, mais pas tout à fait indépendants de lui, comme il veut que soient les trois hétéronymes. Vous voyez ? Il a dit « je suis plusieurs ». Voilà, cela qu'il faut retenir. Voilà. Par ailleurs, c'est aussi une différence notoire avec une édition précédente du même livre, l'édition de Robert Bresson. Vous avez changé le titre dans votre édition qui vient de paraître, du livre de l'intranquillité au livre de l'inquiétude. Pourquoi avoir changé ce titre-là, bon, qui était rentré un peu dans les habitudes? Oui, il y a déjà très longtemps que j'avais baptisé ce livre le livre de l'inquiétude, parce que dans cette thèse que vous avez citée, je considérais déjà les trois auteurs du livre de l'inquiétude que vous avez nommé, et je le baptisais déjà livre de l'inquiétude. Et quand on a décidé la traduction, Madame Pivnik et Colette Lambrich a été d'accord que c'était bien de l'appeler l'inquiétude. Et la raison pour moi et pour Madame Marie-Hélène Pivnik, qui a fait une très belle traduction, ils ont compris qu'on avait raison, moi et Madame Marie-Hélène. Le mot intranquillité, Marie-Hélène a même cherché dans les dictionnaires, n'existe pas sur vos dictionnaires. En fait, il a existé grâce finalement à Pessoa, qui a créé un mot français, l'intranquillité. Oui, et ça, je trouve ça très bien, ça me plaît. Seulement, c'est pas fidèle, vous voyez, parce que desassossego, en portugais, c'est un mot tout à fait commun, un mot tout à fait banal. Donc, c'est pas fidèle de trouver un mot qui est quand même, on peut l'aimer, hein, mais c'est étrange, et c'est une création verbale, là. Donc, je trouve, comme j'ai trouvé dans le temps, que c'est inquiétude qui convient. Combien sont-ils en Pessoa? Combien Pessoa est-il à lui tout seul? Vous savez, j'ai souvent, pour frapper les esprits, j'ai eu l'habitude de dire autrefois, imaginez qu'à la même époque, c'est-à-dire entre 1910 et 1920, par exemple, en France, Paul Valéry, Jean Cocteau, Pierre-Jean Jouve, Blaise Cendrars, Apollinaire, etc., soient un seul et même homme. Vous aurez une idée de ce génie profus, divers de Pessoa. La différence, c'est que si Pessoa a eu la tentation à certains moments de faire croire qu'il était plusieurs, en fait, très vite, il a décidé d'assumer la totalité de ses hétéronymes. Ce sont des autres, mais à l'intérieur de lui. Et il assume à la fois le caractère d'autre, « je » est un autre, mais en même temps, son identité qui transcende toutes les autres. Alors pour Robert Bresson, qu'on vient d'entendre, Teresa Rita Lopez, Pessoa, ce serait finalement l'équivalent pour la littérature portugaise d'un mélange de tous les grands poètes français du début du siècle. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, oui, mais je suis d'accord avec mon ami, on a été amis, mais j'ajouterais quelque chose d'autre. Parce que Pessoa a déclaré que chaque personnage, chaque auteur était un drame, mais que tous ensemble, ils composaient un autre drame. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'interaction entre ces personnages, tous ces personnages, tout particulièrement entre les trois hétéronymes. Parce qu'ils s'écrivent entre eux, par exemple. Oui, et pas seulement. C'est-à-dire qu'ils entretiennent, c'est pas un dialogue parce que c'est à trois, et parfois à quatre, parce que Pessoa intervient aussi. Mm-hmm. En prose, il a fait cette mise en scène. C'est un texte, Notes en souvenir de mon maître Kael, que j'ai déjà publié ici en France, dans une petite maison d'édition, Fischbacher. Mais, alors, c'est signé Álvaro de Campos. Et ce qu'il a fait, c'est les opposer les uns aux autres, les présenter en interaction, pour ainsi dire, ils interagissent. Est-ce que j'ai déjà fait, quand j'ai écrit et présenté ce livre et cette thèse dont vous avez parlé, c'est accepter l'invitation à la mise en scène qu'il nous a fait. Et vous savez, je ne sais pas s'il a lu cette phrase de Mallarmé, pour laquelle il n'en allait pas au théâtre, il prisait beaucoup le théâtre, mais il n'y allait pas. Pourtant, son père aimait beaucoup le théâtre et il habitait, quand il était jeune, enfin enfant même, en face du théâtre San Carlo. Oui, mais pour retourner à Mallarmé, il disait qu'il fallait la mise en scène spirituelle exacte des textes qu'il lisait. Bon, alors Pessoa, justement, nous invite à faire la mise en scène de ces textes qu'il nous a présenté séparés en poème. Disons que les poètes, il ne les a pas mis en scène, pour ainsi dire. Cette mise en scène que Mallarmé appelait intellectuelle, c'est à nous de la faire. Et moi, je l'ai fait parce que ma thèse, c'était justement de prendre au sérieux cette affirmation de Pessoa selon laquelle, pour lui comprendre, la clé, il a même écrit, la clé pour me comprendre, c'est que je suis un poète dramatique. Mmh. C'était un homme qui se mesurait avec ses modèles. Et son premier modèle a été Shakespeare. Mais il a dit qu'il écrivait des pièces comme Shakespeare, mais à un seul personnage. Donc, pour rétablir les rapports, c'est à nous de faire le metteur en scène. Et comment on fait le metteur en scène ? Moi, je l'ai fait par écrit. Il y a d'innombrables mises en scène qu'on peut faire avec les dires de ces personnages, parce qu'ils réagissent les uns aux autres, vous voyez. Pessoa dit que Alberto Caeiro était le maître et que Álvaro de Campos et Ricardo Reis étaient ses disciples. Alberto Caeiro était en quelque sorte un Christ solaire, parce que pendant toute sa vie, Pessoa a combattu, même, c'est pas trop fort, combattu la religion dans laquelle il avait été élevé, la religion catholique, ce qu'il appelait plus tard l'Église de Rome. Hein. Donc, Caeiro est, pour ainsi dire, un Christ à l'envers, un Christ solaire, vous voyez. Et c'est ses rapports avec Campos, qui est un disciple indisciplinable, et avec Ricardo Reis, qui c'est un païen, un vrai païen, qui constitue l'action de ce drame. Mais vous pensez qu'il vivait comment avec ces personnages ? On a l'impression d'un enfant avec des amis imaginaires. Est-ce que c'est ça le rapport qu'il entretenait avec ses hétéronymes ? On peut dire que il aimait beaucoup les enfants, il y avait quelque chose d'enfant en lui. On peut dire que c'était un enfant qui jouait à être plusieurs. On peut dire ça de Pessoa. Il l'a fait tout au long de sa vie. C'est même une façon très intéressante de voir son œuvre. Il jouait à être plusieurs. Mais faut dire que Álvaro de Campos, celui qui en effet était lui, il était son portrait physique et mental, c'était lui en mieux. Tandis que Bernardo Soares était lui, mais en plus insignifiant. Pessoa était ébloui de commerce, Bernardo Soares n'était qu'être comptable. Bernardo Soares fait des récits. Il n'entre pas dans le drame en personne. Pessoa dit que l'œuvre des hétéronymes, des vrais hétéronymes pour de bon, c'était un drame ingente, c'est-à-dire un drame en personne. Il faut dire que les personnages de Livre de l'Inquiétude, ce n'ont que des hétéronymes admis, ils ne font pas partie de ce drame en personne. Ce ne sont pas des personnages de théâtre. Ils font des récits. C'est tout à fait différent. Si on veut penser à ce drame, à ce roman dramatisé, comme j'aime appeler son œuvre, Les Hétéronymes, bon, les hétéronymes, les demi-hétéronymes du livre de l'inquiétude n'y entrent pas. La plupart des gens souffrent du défaut de ne pas savoir dire ce qu'ils voient ou ce qu'ils pensent. On dit que rien n'est plus difficile que de définir par des mots une spirale. On prétend qu'il faut dessiner en l'air de la main et sans littérature le mouvement ascendant et sagement enroulé par laquelle cette figure abstraite des ressorts ou de certains escaliers se manifeste à nos yeux. Mais si l'on se souvient que dire, c'est renouveler, on définira une spirale sans difficulté. C'est un cercle qui monte sans s'achever jamais. La plupart des gens, je sais bien, n'oseraient jamais une telle définition, parce qu'ils s'imaginent que définir, c'est dire ce que les autres veulent que l'on dise, et non pas ce qu'il faut dire pour définir. Mieux encore, une spirale est un cercle virtuel qui se dédouble et monte sans jamais se réaliser. Mais non, c'est encore une définition abstraite. J'aurai recours au concret, et l'on verra aussitôt ce que je veux dire. Une spirale, c'est un serpent sans serpent et qui s'enroule verticalement sur rien du tout. La littérature tout entière est un effort pour rendre la vie réelle. Comme nous le savons tous, même quand nous agissons sans le savoir, la vie est absolument irréelle dans sa réalité directe. Les champs, les villes, les idées sont des choses totalement fictives, nées de notre sensation complexe de nous-mêmes. Toutes nos impressions sont incommunicables, sauf si nous en faisons de la littérature. Les enfants sont de grands littérateurs, car ils parlent comme ils sentent, et non pas comme on doit sentir lorsqu'on sent d'après quelqu'un d'autre. J'ai entendu un enfant dire un jour, pour suggérer qu'il était sur le point de pleurer, non pas « j'ai envie de pleurer », comme lui dit un adulte, c'est-à-dire un imbécile, mais « j'ai envie de larmes ». Et cette phrase, totalement littéraire, au point qu'on la trouverait affectée chez un poète célèbre, s'il s'en trouvait un pour l'écrire, se rapporte directement à la chaude présence des larmes jaillissant sous les paupières, conscientes de cette amertume liquide. J'ai envie de larmes. Cet enfant, tout jeune encore, avait fort bien défini sa spirale. Un nouvel extrait du livre de l'inquiétude ou de l'intranquillité, lu cette fois par Marianne Denicourt. À quoi pensez-vous en écoutant cet extrait? Bon, je pense à une affirmation de Pessoa qui disait qu'il cherchait, c'était à penser avec la sensibilité. Je crois qu'il a même dit sensorialiser. Il faisait des néologismes tout le temps. Sensorialiser la pensée, qu'elle devienne sensation. Mmh. Et d'autre part, à faire que la sensibilité devienne pensée. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui fait le secret de Pessoa. Parce que Pessoa, il est connu comme un grand poète. Mais vous savez que ses proses dépassent largement, ses pages de prose sont bien plus nombrables que ses pages de poésie. Hein. Mmh. Il y a encore une moitié du fond de ses manuscrits et qui sont à la Bibliothèque nationale, et la moitié est encore inédite, et ce sont des proses, n'est-ce pas? Alors, c'est d'habitude, les poètes ne sont pas de grands penseurs, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Ils sentent surtout, ils s'adonnent à ces sensations, à leurs sensations, à leur sensibilité. Chez Pessoa, ce qu'il voulait, et je crois que ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il voulait, c'est à mélanger, comme il dit, à penser avec la sensibilité, et à sensorialiser la pensée. Mmh. Et à montrer l'invisible d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Enfin, cette, cette, spirale, ça va dire ça, n'est-ce pas ? Alors, vous parlez du fonds Pessoa qui se trouve à la Bibliothèque nationale portugaise. Et là, il faudrait peut-être revenir un peu à ce fameux coffre de Pessoa dans lequel il avait jeté en vrac ses nombreux écrits. C'est la fameuse malle que Antonio Tabucchi appelle dans un de ses essais une malle pleine de gens. Cette malle, évidemment, vous la connaissez mieux que personne, Teresa Rita Lopez. Vous avez même fait des fouilles presque archéologiques. J'ai même empêché qu'elle soit vendue en Angleterre. Vous ne savez pas, non ? Vous voulez que je vous raconte ? Mais racontez. Bon. Alors, j'étais ici en France, j'ai été exilée politique, j'ai fui la police de Salazar, donc j'ai vécu ici 13 ans de ma vie. Et en 69, je crois, en 69, je suis allée par hasard à la bibliothèque de la Fondation Gulbenkian. Je dis par hasard parce que j'y allais une fois par mois. Et le directeur, qui savait que je tenais absolument à aller voir la malle, mais je ne pouvais pas aller au Portugal, n'est-ce pas, de peur d'être mis en prison. Alors il m'a dit, vous savez que la malle va être vendue, elle va partir en Angleterre. Alors, il était en tremblement de terre mentale, c'est une expression de Pessoa. Et j'ai dit à un grand ami qui était ici, exilé comme moi, Antonio José Saraiva, qui était bien sûr un homme de gauche, c'est pourquoi il était exilé, et qui avait un frère qui était ministre. Ça a été le dernier ministre de l'éducation de Salazar. Donc, il a téléphoné tout de suite à son frère qui, tout de suite, a empêché la malle de sortir du pays. Il y a certains manuscrits quand même qui ont été vendus, je crois. Pardon, certains manuscrits ont peut-être été vendus, écoutez, malgré tout. C'est vrai que, voilà, à ce moment-là, la famille qui gardait la malle a dû le vendre, ce qu'il y avait à la Bibliothèque nationale. Mais elle a gardé des souvenirs, comme ils disent. Bien sûr, ces souvenirs sont très importants. Et il y a eu quelques ventes aux enchères postérieures, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Mais le plus important, de loin, ça a été vraiment le contenu de la célèbre malle, n'est-ce pas ? Mais les alors, 27 000 et tels documents. Ces 27 000 documents, évidemment, ils sont jetés un petit peu en vrac quand même. Donc ça signifie que Pessoa n'a pas eu le temps de... ou presque pas, parce qu'il l'a peut-être fait pour un petit nombre de textes, mais d'agencer en livre tous ces textes-là. Donc finalement, est-ce qu'on sait comment il voulait publier ces textes, et est-ce que même c'était important pour lui ? Bon, oui, c'était important, mais pour commencer, le désastre, c'est qu'il écrivait sur n'importe bout de papier. Vous voyez, il écrivait sur des feuilles éparses, pas rarement sur des cahiers. Des dos d'enveloppe, notes. Rarement, qui sont restés comme ça, n'est-ce pas, feuilles éparses. Et vous me dites s'il n'avait pas intention de publier. Il n'avait pas l'urgence de publier et il disait qu'il n'y avait pas, les gens n'allaient pas comprendre, il n'y avait pas un moyen littéraire, un moyen assez cultivé au Portugal pour qu'il essaye de faire éditer ses poèmes. Mais c'était aussi parce que les éditeurs ne s'y intéressaient pas, ils n'étaient pas encore assez connus. Mais je crois que le principal, c'est qu'il avait tant d'idées, vous voyez, tant d'idées en même temps, tant de projets. Suffit de parcourir, je l'ai fait déjà 4 ou 5 fois, parcourir les 27 000 et quelques documents pour voir les douzaines, les dizaines de plans qu'il avait de livres à écrire. Donc il a fait parfois le plan, donc il a donné le titre et le plan, n'est-ce pas ? Parce que faut pas oublier que Pessoa a été aussi un sociologue, parce que quand il se mettait à étudier un sujet, alors il se dédicassait de tout son esprit, de tout son corps. Pour ainsi dédié dire. Tout son Alors, au moment où la sociologie était encore quelque chose de très peu prise au sérieux, il s'est mis à étudier la sociologie pour essayer d'étudier la réalité portugaise. Il a été toujours un patriote, n'est-ce pas? Puis la philosophie, il s'y connaissait énormément. Et aussi les sciences dites occultes. Hein. Il a été même expert en astrologie. Eh ben, je vous propose qu'on en parle tout à l'heure, juste après la traditionnelle chronique du jeudi, Teresa Rita Lopez. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme chaque jeudi, un grand lecteur ou une grande lectrice vient nous donner son point de vue sur l'auteur dont il est question ici toute la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver, Stéphanie Genant. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes maître de conférence HDR à l'Université de Rouen et vous avez relu pour nous le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Vous avez titré votre chronique « La vie comme une auberge ». Pourquoi ? Parce que cette image, d'abord, apparaît dans le livre de l'intranquillité. Pessoa y écrit « Je considère la vie comme une auberge où je dois séjourner jusqu'à l'arrivée de la diligence de l'abîme. » Alors, en lisant ce passage, je me suis dit que cette image de l'auberge résumait en partie son œuvre. Pessoa est un spectateur, assis toujours dans des auberges, c'est-à-dire qu'il est dans une position passive. C'est ça, la vie dans une auberge, c'est la vie à laquelle on ne participe pas. La vie qu'on regarde attablée de manière passive. Donc, Pessoa spectateur, Pessoa consommateur un peu du monde sans y participer. Et puis de cette passivité, de ce côté un peu spectateur, Pessoa va réussir à créer, en fait. C'est ça qui me fascine, c'est la vie comme une auberge, mais la vie du coup beaucoup plus forte. Donc c'est le rapport entre vivre et créer qui vous retient chez Pessoa, mais chez Pessoa il y a quand même surtout créer, il y a pas beaucoup vivre. Non, mais le paradoxe de ce livre de l'intranquillité est justement qu'il s'intitule « Autobiographie sans événement » et Pessoa y précise dans les premières pages qu'il va raconter sa vie alors qu'il n'a rien à dire. Donc présenter une autobiographie comme parfaitement insignifiante, comme le livre comme parfaitement inutile, c'est une création totalement paradoxale. Je ne suis personne, ma vie est vide, et pourtant de ce vide je vais réussir à faire une œuvre. Pessoa n'aurait sans doute pas écrit s'il n'avait pas eu justement ce masque insignifiant, s'il n'avait pas passé sa vie dans une auberge à contempler le monde. Finalement, être heureux, c'est anti-créatif, Stéphanie Genant. Il ne faut pas être trop heureux pour être un grand écrivain. Non, je l'ai entendu récemment sur votre antenne, c'est Régis Debray qui disait par exemple que Stendhal avait raté sa vie en termes biographiques et personnels. Il avait une carrière tout à fait en demi-teinte, mais qu'en même temps, institutionnellement, s'il n'avait pas été récompensé, Stendhal avait quand même fait une œuvre qui, 200 ans, 100 ans après sa mort, en tout cas, est encore lue. Pessoa, même chose, employé de bureau tout à fait banal et triste, mais en même temps, qui, parce qu'il a cette vie-là, a besoin de s'en échapper en permanence. Il écrit, par exemple, en plus, son œuvre est quand même écrite dans les années sombres du Portugal, ces fameuses années 30, il dit « on n'apprécie pas la liberté si on n'a pas vécu sous la contrainte ». Donc il faut souffrir, avoir toute sa vie, toute sa journée, une vie triste d'employé comptable pour avoir ensuite la force et le courage d'aller écrire l'œuvre qui nous reste aujourd'hui. Après, on peut se demander si c'est plus important de vivre ou de créer, mais ça, c'est une question philosophique. Votre conseil littéraire est lié à cette thématique. C'est pas un livre qui vient de paraître, mais c'est un livre qui vous semble important. « Tout homme est une nuit » par Lydie Salvert, paru au Seuil en octobre dernier. Alors oui, le point commun avec Pessoa, c'est que le livre de Lydie Salvert se passe aussi dans une auberge qui s'appelle un café des sports dans un village du sud de la France, et son roman entrelace deux paroles, les paroles affreuses et ignobles que tiennent les habitués de ce café des sports, qui sont racistes, frileux, conservateurs au plus haut point, et puis un personnage qui arrive dans ce village et qui a la peau trop foncée, et qui vient là, lui, pour se réparer d'une maladie, il est en soins, et qui va se voir ostracisé progressivement par le village. Lydie Salvert juxtapose dans son roman deux partitions vocales, on pourrait dire celle de l'humain hideux, abject, auquel elle donne vraiment beaucoup d'importance, et puis ce personnage en face, humain, banal, hein, qui ne va pas comprendre ce que sont ses semblables, et du coup qui va les regarder un peu comme un spectateur aussi, tentant de comprendre comment l'humain peut parfois perdre comme ça son humanité. C'est un tout petit peu aussi ce qu'on trouve dans le livre de l'intranquillité. Pessoa raconte des fois qu'à sa table, il envisage des expériences de violence ordinaire. Hein. Il commente un peu l'humanité en acceptant le courage d'y voir tout ce qui s'y trouve. C'est un peu ce que fait aussi le personnage du roman de Lydie Salvert. Regarder ses, ou écouter plutôt ses habitués du Café des Sports en les écoutant être racistes, violents et en envisageant même à un moment donné de se débarrasser de ce villageois qui ne leur ressemble pas et qui vient semer le désordre dans le village. Donc ce sont deux auberges en fait qui nous montrent l'humanité dans toutes ses contradictions. Et en ayant peur aussi peut-être d'être cette personne noire également, dans l'idée évidemment de la noirceur de l'âme. Merci beaucoup Stéphanie Genant, à très bientôt. C'est la suite de cet ultime épisode dans notre semaine consacrée à Fernando Pessoa. Nous sommes toujours avec Teresa Rita Lopez pour parler du livre de l'intranquillité, des contes, fables et autres fictions, et pourquoi pas aussi du gardeur de troupeaux de l'hétéronyme Alvaro de Campos, un recueil dont voici justement un extrait. Je n'ai jamais rien fait que rêver, cela. Et cela seulement a toujours été le sens de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre souci véritable que celui de ma vie intérieure. Les plus grands chagrins de mon existence se sont estompés dès lors que j'ai pu, ouvrant la fenêtre qui donne sur moi-même, m'oublier en contemplant son perpétuel mouvement. Je n'ai jamais voulu être rien d'autre qu'un rêveur. Si l'on me parlait de vivre, j'écoutais à peine. J'ai toujours appartenu à ce qui n'est pas là où je me trouve et à ce que je n'ai jamais pu être. Tout ce qui n'est pas moi a toujours eu de la poésie à mes yeux. Je n'ai jamais demandé à la vie que de me laisser effleurer par elle, sans la sentir passer. Un extrait du Gardeur de troupeau, donc lu par Christophe Brault. Évidemment, c'est assez terrible ce que nous dit là Alvaro do Campos, cet hétéronyme de Pessoa, mais ça ressemble quand même à quelque chose que Pessoa aurait pu dire lui-même, c'est-à-dire qu'au fond, entre lui et la vie, il y a quand même cette espèce de vitre qui l'empêche de faire les choses les plus simples, qui sont simplement d'avoir des relations normales avec les gens. Est-ce que c'est ça aussi que vous voyez dans cette expérience ? Oui, c'est l'incompétence pour la vie, je cite, hein, que tous les trois auteurs du livre de l'intranquillité, qui ont des biographies tout à fait différentes et des styles aussi très différents, avouent avoir. C'est leur point commun. Pour la vie, n'est-ce pas ? Oui, c'est leur point commun. Et c'est peut-être le propre de l'écrivain, des rêveurs, non ? Si vous voulez, le de point vivre commun. Dans la fiction ? Un pied dans la fiction et un pied dans la réalité. Même Pessoa y était obligé, hein, pour gagner sa vie, parce que il n'était pas riche. Il devait gagner son pain. il a pourtant tenu à ne pas avoir des horaires, voyez. Il gagnait à la pièce. Il faisait des lettres commerciales, des traductions en anglais et en français. Donc, les patrons ont compris que c'était tellement bon ce qu'il faisait, qu'il avait les clés de tous les patrons. comme ça, se promenait plusieurs, à travers plusieurs bureaux et gagnait la pièce. Mais bien sûr, il ne gagnait pas beaucoup, le pauvre. Mmh. Il a toujours souffert de sa misère, il faut dire la vérité. Alors, vous avez aussi édité les contes, fables et autres fictions, à la différence, là, oui, justement. Hein, c'était en 2011. Et d'autres. Et d'autres aussi. Et à Courty aussi, chez Courty. Ouais. Et alors, Pessoa a écrit jusqu'à sa mort des contes, mais ce qui est intéressant, et vous l'expliquez dans la préface, c'est qu'il a commencé par les écrire en anglais, parce qu'il avait envie, au départ, très jeune, d'être un poète ou un écrivain de langue anglaise. Sûrement. Vous voyez, il est parti avec 7 ans à Durban. Vous avez cité là la raison. Sa mère s'était remariée avec un consul. Et il n'est jamais allé à l'école en portugais. Hein. Il est autodidacte dans la langue et dans la culture portugaise. Ouais. Hein. Donc, il a vécu 10 ans dans la culture anglaise, parce que il semble que le lycée de Durban était très bon. Il y avait des professeurs anglais très réputés. Donc, il était un très bon élève, n'est-ce pas? Donc, il a eu des prix. Il a déjà collaboré dans des revues. Et c'est normal que ce qu'il voulait être, c'était un grand poète en langue anglaise. D'ailleurs, il a eu, ça a été une injustice, la première grande injustice dont il a été victime, c'est qu'on lui a refusé le prix auquel il avait droit d'aller continuer ses études en Angleterre. Après avoir fait une première année encore à Durban, d'un cours supérieur. Mais, dans la mesure où il s'était absenté un an, entre 1901 et 1902, qu'il a passé avec sa famille au Portugal, lui a refusé ce cours. Mais et il est parti au Portugal. Est-ce que vous avez vu des textes en anglais? Parce que on a tout de même à vous lire le sentiment que c'est en portugais qu'il s'exprime poétiquement, et qu'en anglais, finalement, il n'a pas réussi à atteindre un degré de précision. Écoutez, et de beauté comme en portugais. Je trouve que ce n'est quand une personne qui est l'anglais en tant que langue maternelle qui peut vraiment juger. Mais j'ai demandé à Richard Zanit, justement, qui a travaillé dans mon groupe, je l'ai accueilli. Vous savez que c'est un Américain qui est allé au Portugal il y a depuis d'une vingtaine d'années. C'est l'auteur de l'ancienne organisation du livre précédent de L'Intranquillité, qui est paru chez Bourgois. Et on sait toujours, et on continue à s'entendre très bien. Et je lui ai demandé, écoute, moi je suis pas capable de dire si c'est bon, mais ça m'étonne qu'en Angleterre, Pessoa ne soit pas si bien accueilli que dans d'autres pays, en France par exemple. Tu trouves que c'est bon? Il m'a dit, parce qu'on avait une personne de mon groupe qui avait traduit en portugais les livres de Pessoa, les poèmes de Pessoa en anglais. Et il m'a dit, écoute, je préfère quand même les traductions de Louisa. Alors j'ai compris que c'était pas très bon. Oui, en effet. Non, c'était littéraire, d'après ce que je peux comprendre. Vous voyez, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un homme qui avait toujours des modèles dans l'horizon. Pas pour les imiter, mais pour les dépasser. Les Anglais trouvent ça artificiel. Tout à l'heure, vous avez dit, Teresa Rita Lopez, que Pessoa était attiré pour par l'occulte. Et ça, on le voit quand on lit justement ces contes, fables et autres fictions dont je parlais à l'instant. Il y a L'heure du diable, Le pèlerin, L'inconnu, Dans le jardin des Pictettes, L'ermite de la montagne noire. Tous ces petits contes, tous ces petits fragments qui sont justement dans ce domaine-là de l'occulte. J'ai envie de vous demander ce que ça représentait pour lui, cette espèce d'au-delà de la raison, et puis peut-être aussi la question de la métaphysique. Bon, ça a été très très important pour lui, vous voyez. Il dit dans ses poèmes qu'il y ait en quelque sorte un médium de lui-même. Ces autres, ces personnages, ces hétéronymes et ces autres l'habitaient. Il parle à travers lui. Et qu'il s'exprime à travers lui. Il y a même un poème qui commence comme ça. Non sou eu que escrevo. C'est pas moi qui écris. Mm-hmm. Vous voyez? Les autres se servent de la main pour écrire. Je crois qu'il y croyait. Seulement, et c'est pourquoi, je crois, Pessoa est grand, c'est qu'il n'était déjà orthodoxe dans aucune croyance, même en ce qui concerne ses propres croyances, vous voyez. Quand il dit « je crois », c'est en texte de Bernard Schwarz, il dit « je crois » et il s'arrête, il dit « ou presque, mm-hmm. ou presque, creio ou quasi creio ». Alors, il n'était jamais entier dans une croyance. Mais est-ce qu'il croyait à quelque chose parce qu'il n'était pas religieux en tant que tel, mais à quoi croyait-il dans ce domaine-là? Tout à l'heure, on a parlé du grand enfant que Pessoa était. Alors, il s'est donné depuis longtemps, mais c'était aussi au temps où ça se pratiquait beaucoup en France, de l'écriture automatique, n'est-ce pas? Alors, dans tout le fond, dans tous les documents du fond, il y a des tas d'expériences méduniques. Voilà. Il s'adonnait. C'est vrai que l'écriture était tout à fait différente de la sienne. Il y avait trois personnages surtout, dont une femme, qui s'exprimait à travers lui. Mais il a appelé ça des romans de l'inconscient. Et parfois, il se moquait, c'est-à-dire, il jouait avec ça. Je me souviens d'un poème qui a été dicté par un des esprits qui se manifestait le plus souvent. Et puis, l'esprit écrit « I give you my part in this poem, my boy ». Je te donne ma part dans ce poème, My Boy, parce qu'il avait écrit Vardour, c'était le nom de l'esprit, plus Pessoa. Mm-hmm. Donc, il dialoguait aussi avec les esprits, mais d'une façon ludique. Il y croyait, ou presque. Mm-hmm. Bah, c'est un être paradoxal, de toute façon. C'est peut-être d'ailleurs parce que ses contes étaient trop paradoxaux qu'ils n'ont pas tellement attiré l'attention des exégètes. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui compte pour ceux qui étudient Pessoa, c'est quand même sa poésie, alors que les contes sont importants aussi. Pourquoi finalement on s'en est détourné? Écoutez, l'histoire de l'édition de l'œuvre de Pessoa, je vais essayer, si vous voulez, de la résumer. Vous voulez que je essaye de la résumer? Bon, alors, quand il est mort, il n'avait publié qu'un seul, ouvrage patriotique, épique. Hein, parce que pour lui, vous voyez, il est parti du Portugal, comme je vous ai dit, il y a 7 ans, il est revenu, il a rêvé sa patrie, le Portugal, dans son absence, mmh. n'est-ce pas? Alors, il l'a aimé à distance. C'est plus facile toujours d'aimer quelque chose ou quelqu'un à distance. Après, il n'a pas bougé, donc c'est qu'il devait quand même se sentir assez bien. Oui, alors, le Portugal, pour lui, c'était en quelque sorte un pays mythique. En rentrant au Portugal, c'était la fin de la monarchie, c'était la monarchie agonisante, n'est-ce pas? 5 ans avant la déclaration de la République. Alors, il a été un militant pour la République, au contraire, ce qu'a dit son premier exégète, João Gaspar Simões. Il était férocement républicain. Mm-hmm. Bon, et pendant tout... Et à ce moment-là, il a déjà commencé à écrire Messages. Ça s'appelle le livre qu'il a publié de son vivant, Messages, à Durban. Parce que, dans la mesure où, quand il a compris que là, on savait rien du Portugal, qu'on nous confondait avec l'Espagne, hein, il s'est mis à écrire sur Vasco da Gama et à faire connaître ce pays qu'il a commencé à aimer passionnément, voyez, surtout parce qu'il savait qu'il n'était pas connu. Et cet esprit a continué pendant toute sa vie. Là, c'est d'ailleurs, il l'a avoué que c'était son élan patriotique était au fond de lui, et ce qu'il voulait, il disait, c'est créer civilisation, n'est-ce pas? Je traduis à la lettre, il voulait être un créateur de culture ou de civilisation pour que le Portugal, à travers son œuvre, devienne aussi grand qu'il avait été au temps des découvertes. Et alors après, donc vous parlez de l'histoire des publications, qu'est-ce qui se passe après sa mort? Bon, alors, comme je vous ai dit, il s'est adonné à toutes sortes, à tous les genres, et en plus, il a créé des genres nouveaux qui n'existaient pas, n'est-ce pas? Il aimait beaucoup écrire des contes, voilà. Mais personne n'a pas pris très au sérieux ses contes. C'est pourquoi Snek, maintenant, il y en a encore des contes qui sont inédits. Et quand j'ai publié la fable et autres fictions, ils étaient inédits, une bonne partie. En tout cas, lui, il a pris au sérieux ses contemporains, et on peut dire qu'il a été justement un créateur de culture et de civilisation, hein, comme vous venez de le dire, Teresa Rita Lopez. Je vous propose d'écouter Antonio Tabucchi à ce sujet. Dans chaque hétéronyme, en effet, Pessoa débat un thème très important de la modernité. Du coup, à lui tout seul, Pessoa est l'homme orchestre de l'avant-garde portugaise. Oui, il a créé l'avant-garde en tant qu'autre personnage, disons. Parce qu'il a eu une vie très spéciale, au fond. Il a vécu comme un modeste employé d'un bureau. D'un point de vue social, comme Kafka, et il a participé en tant qu'intellectuel et en tant qu'hétéronyme à des revues très importantes. Il a inventé des mouvements d'avant-garde comme le sensationnisme ou l'intersessionnisme, mouvements desquels il était l'unique disciple. Donc il a sûrement, même d'un point de vue de la résolution artistique, il a agité beaucoup les milieux artistiques portugais. Sans Pessoa, peut-être le Portugal n'aurait pas connu le futurisme, le cubisme, Delaunay, etc. Tout ça, toute la modernité. Antonio Tabucchi au micro d'Anna Benstein en 1992. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Teresa, mais je voudrais Rita dire Lopez. Qu'il n'a pas raison. Ah, alors, mais bien sûr. Non, il n'a pas raison du tout. Déjà, parce que Pessoa n'a pas été le seul disciple de tous ces ismes, comme il dit. Il n'a pas été le seul créateur de la modernité au Portugal. C'est un catalyseur, alors, de cette modernité-là, un catalyseur de cette modernité. Non, parce que, au contraire, Pessoa a reçu les échos qui venaient de Paris, il est toujours resté à Lisbonne, à travers un grand ami qu'il ne faut jamais oublier, Mario de Sá Carneiro, qui est venu vivre à Paris en 1912 et qui s'y est suicidé en 1916. Pessoa avait une formation classique. Il connaissait pas les modernes, ni les futuristes, ni rien de ça. C'est Mario de Sá Carneiro. Sans Mario de Sá Carneiro, Álvaro de Campos, le plus moderne, le seul moderne, le plus moderne, n'aurait jamais existé. Il est un fiel de Mario de Sacarneiro, qui lui envoyait non seulement des revues, mais à travers les lettres qu'on connaît, on voit que c'est lui qui lui fait connaître le futurisme et tous les ismes contemporains. Mais il faut bien l'apprendre de quelqu'un, de toute façon. Et Pessoa l'a quand même diffusé tout cela à travers les divers journaux qu'il a animés, Axao par exemple, ou Orfeo. Non, mais écoutez, là... vous savez que vous aviez eu à ce moment-là, avec en tête Picasso, que Mário de Sacarneiro disait dans les lettres à Pessoa qu'il admirait, tout le monde se moquait de Picasso, mais il l'admirait beaucoup. Vous aviez l'école de Paris. C'est Pessoa avec Sacarneiro qui ont vu créer ce qu'ils ont appelé l'école de Lisbonne. On ne peut pas oublier Mário de Sacarneiro dans cette école de Lisbonne, si vous voulez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Teresa Rita Lopez pour toutes ces précisions à la fois sur le livre de l'intranquillité et puis sur votre lecture passionnée de Pessoa. Je rappelle que vous avez donc édité le livre de l'inquiétude et non pas de l'intranquillité aux éditions Bourgois. Je signale aussi donc les contes, fables et autres fictions de Pessoa, évidemment aux éditions de La Différence. Demain, vous retrouverez Manu Farine pour Poésie et ainsi de suite. Et nous, on se dit à lundi pour une émission consacrée, je vous le donne en mille, à la série Les Sopranos. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, ce jour je revoyais 30 pages comme une promesse à tenir, celle faite à Bi Formentelli qui présente et traduit de l'hébreu ses poèmes d'Avot Yeshurun. 30 pages aux éditions de l'Éclat. Ce recueil, écrit entre le 1er mars 62 et le 15 mai 63, amorce un tournant décisif. La langue poétique de Yeshurun vient à changer. Il faut se demander comment Avot Yeshurun vivait sa nostalgie de la langue yiddish et du monde qu'enveloppe cette langue. Le mot nostalgie, très usé en français, a beaucoup perdu de son acuité étymologique. On n'y entend plus le sens originel, désir douloureux de ce qui est lointain. C'est qu'Avot vit cette nostalgie sur un mode paradoxalement actif. J'entends des deux oreilles et chacune de mes deux oreilles entend une langue différente. L'une entend l'hébreu, l'autre le yiddish. Je n'ai pas le choix. Ma langue maternelle, c'est le yiddish. J'ai pourtant écrit que ma langue maternelle, c'était l'hébreu. Ceci est la vérité et cela est la vérité. Viendra un jour où personne ne lira les lettres de ma mère. J'en ai tout un paquet. Ni qui, ni quoi. Viendra un jour où personne ne les prendra dans ses mains. Il y en a toute une liasse. Trop. On dira papier. Bout d'eux. Pas plus. Ce jour-là, je les emporterai dans la grotte de Bar Kokhba pour les jeter à la poussière. L'ancien monde n'ira pas rechercher, là, une langue maternelle. 2. Enterrer les lettres de ma mère dans ma table sépulcre. À la table me suis assis pour versifier la misérable brebis du pauvre et riche. Avec tout ça, tu as de quoi remplir la rue. Comme Baudruche sur le derrière t'assoira, d'eau bouillonnera ta bouche. Avaler, tu n'oseras. Mais seul, pas seul, te voilà, toi, plein de joie. Un poème tu enfonces dans ta poche. La mère des lettres, joyeuse, tu écris une lettre. 5. Je me suis efforcé d'oublier les lettres de ma mère. J'ai même fait place nette sur mon bureau. Mais elles continuent à partir toutes seules et à m'atteindre. Tu as débarrassé ton bureau du fouillis de tous tes papiers. Tu as serré sous clé dans des dossiers une à une les lettres et aussi les timbres, et nous de côté. Tu liras ou tu ne liras pas, faisant comme si. Maintenant que tu as mis de l'ordre dans tes dossiers, sache que même les lettres des morts méritent attention. Avot Yeshurun, 1904-1992. Ces lettres, retrouvées par hasard au fond de ses tiroirs comme autant de tombeaux, il les arrache à la poussière et en fait 30 pages comme 30 jours de deuil qui transcrivent presque littéralement dans un hébreu portant la trace du feu les lettres des siens. Jacques Bonafé, merci, vous nous lisiez des poèmes de Luc Bénazé.